Durant la vie de Catherine, religieuse de Saint-Augustin, dans le même lieu où elle demeure et au Québec, habita une femme, dénommée Marie, qui avait vécu une vie déréglée dès sa jeunesse. L'âge ne la corrigea pas, au point que lassée par ce désordre, les gens de l'endroit prirent le parti de l'écarter de la ville, et la confina dans une grotte, hors de leur région. Ce fut là que, rongée par une maladie affreuse qui faisait tomber son corps en lambeaux, et privée de tout secours humain, elle mourut peu après, sans sacrement. Une pareille mort ne paraissait pas mériter les honneurs de la sépulture, aussi on ne fit pas d'autre façon au cadavre de cette femme que de l'enterrer comme celui d'un chien. Catherine avait une pieuse coutume, elle recommanda à Dieu les gens de sa connaissance qui passaient dans l'autre vie, mais elle ne songea pas à la vieille pécheresse, la croyant damnée, selon l'opinion de tout le monde. Il y avait déjà 4 ans que cette femme était morte, quand une âme du purgatoire lui apparut, alors que la religieuse était en oraison, et lui dit « Catherine, quel malheur est le mien? Tu pries pour tous ceux qui meurent, mais n'auras-tu pas compassion de ma pauvre âme? Qui es-tu ? » demanda la sœur. « Je suis cette pauvre Marie qui est morte dans la grotte. Quoi, tu es sauvée ? » ?»« Oui, je le suis, par la miséricorde en la Vierge. Dans mes derniers moments, abandonnée de tout le monde, et me voyant souillée de péché, je m'adresse à la Mère de Jésus du fond de mon cœur, et lui dis, « Vous, le refuge de ceux qui sont délaissés, ayez pitié de moi, qui le suis de l'univers entier. Vous êtes mon unique espérance. Venez à mon secours. » Je ne priais pas en vain. C'est par l'intercession de Marie que je dois d'avoir échappé à l'enfer, par un acte de vraie repentance. Notre-Dame m'a encore obtenu cette grâce, que ma peine soit abrégée. La justice divine me faisant souffrir en intensité ce que j'aurais dû souffrir en durée. Il ne me faut plus que quelques messes pour être délivré du purgatoire. Faites-les-moi dire, et une fois au ciel je n'arrêterai pas de prier Dieu, et la Sainte Vierge pour toi. Sœur Catherine fit célébrer les messes pour cette âme, et quelques jours après, elle lui apparut de nouveau, brillante comme le soleil, et lui en témoigna reconnaissance. Le paradis m'est enfin ouvert, j'y vais célébrer les miséricordes de mon Dieu. Sois sûr que je ne t'oublierai pas.